Gravé dans mon cœur, gravé dans ma tête, je voyais dans les airs quand tu me disais que tu m'aimais. Tu as percé mon cœur, t'as détourné ma tête. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Say you love me, you say you love me. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Say you love me, you say you love me. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Bébé, je suis blessé, mais mon cœur n'a pas de pause ou arrêt. Gravé dans mon cœur, je ne sais plus quoi faire. Moi et toi, on s'aimait tant, normal c'était le bon temps. Maintenant je suis sans toi, mais dans ma tête mieux que toi. Quand je pense à toi, j'entends ta voix qui vient dans ma tête. Je me sens si seul, baby, la tristesse. Tu me disais que tu m'aimais, alors que tu buguais. Mais qu'est-ce que je t'ai pas donné? Mais pourquoi je t'ai pardonné? Ma okna, mitana, ma fikla, yango, tout de wap. Omna, kwa, mbilo, abe, ta, kwa, ki, yama, si, de wap. Kwa, mti, sa, wa, jina, nega, nega, tout, si, de wap. Mzuru, wa, maya, na, ko, uru, di, na, wap. Ma okna, mitana, ma figra yangu tu de wao. Wamna kwa mbilo abeta kwa kia maski de wao. Wamtisa wangina neka neka tu si de wao. Mzu wa maya nako chusu di de wao. Gravé dans ma tête, je voyais dans les airs quand tu disais tu m'aimais. Tu as percé mon cœur, t'as détourné ma tête. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Say you love me, you say you love me. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Say you love me, you say you love me. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Laisse-moi te raconter ma vie, au jour de ma belle Imekwan. Je suis rentré dans le peur à tout ça grâce à toi sans le vouloir. Moi et toi c'était la belle vie, mais toi t'as tout gâché. Je me souviens la première fois, je restais tout le temps te regarder. Même tu me dis arrête ma déta, ta beauté m'envahissait. Même qu'on était au lycée, baby tu me manquais. Dès que je vais pas mourir, mais peut-être que je vais souffrir. Ma okna mitana ma fikra yangu tu de wap. Omna kwa mbilo abeta kwa kia maskin de wap. Wamtisa wangina nega nega tuti de wap. Mzuru wa maya nako urudi na wap. Ma okna mitana ma fikra yangu tu de wap. Omna kwa mbilo abeta kwa kia maskin de wap. Wamtisa wangina nega nega tuti de wap. Mzuru wa maya nako urudi na wap. Grave dans ma tête, je voyais dans les airs quand tu me disais tu m'aimais. Tu as percé mon cœur, t'as détourné ma tête. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Say you love me, you say you love me. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Say you love me, you say you love me. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Ma okna mitana ma fikra yangu tu de wap. Wamna kwa mbilo abeta kwa kia maskin de wap. Wamtisa wangina nega nega tuti de wap. Mzuru wa maya nako urudi na wap. Ma okna mitana ma fikra yangu tu de wap. Wamna kwa mbilo abeta kwa kia maskin de wap. Wamtisa wangina nega nega tuti de wap. Mzuru wa maya nako urudi na wap. Grave dans mon cœur, grave dans ma tête. Je voyais dans les airs quand tu me disais tu m'aimais. Tu as percé mon cœur, t'as détourné ma tête. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Say you love me, you say you love me. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Say you love me, you say you love me. Je n'avais plus de blême quand tu me disais you love me. Dans mon cœur, dans ma tête.